الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله في كتاب الطلاق عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمر ابن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي رواية ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم الشريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فسعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبت. Toujours dans le chapitre du divorce. Fatima bint Qais radiyallahu anha, son mari Abu Amr ibn Hafs, il l'a répudié. Talaqaha al-batta, c'est-à-dire il a épuisé tout ce qu'il possédait comme nombre de divorces, donc divorce dernier, alors qu'il était absent. Donc il lui a envoyé un wakil. Voilà, il lui a envoyé un messager pour lui transmettre le divorce, vu qu'il n'était pas là. Et ce messager, il avait avec lui de l'orge, sha'ir. Fasakhitathu. Donc, cela l'a mise en colère. Et lui, il a dit, Wallahi, malaki alayna minshi. C'est-à-dire, je ne te dois rien. Je n'ai rien à te donner. Elle est alors partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui a raconté ce qui lui était arrivé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Laysalaki alayhi nafaqa. Il n'a pas d'argent à te donner. Et dans une autre version, voilà Soukna. Il n'a pas à te laisser habiter chez lui. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de passer la période de viduité dans la maison de Ummu Sharik. Dans la maison de Ummu Sharik. Ensuite, il lui a dit, cette dame, Yarshaha Ashabi, beaucoup de gens la visitent. Au Moucharik, beaucoup de gens la visitent. Donc, tu ne seras pas à l'aise pour la période de viduité. Et elle t'a dit, « Inda ibni umi maktoum. » Fais ta période de viduité chez ibni umi maktoum, qui était un homme aveugle, qui était le mu'adhin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Fa'innahu rajulun a'ma, tada'ina thiyabaki. » Tu pourras même retirer tes vêtements, vu qu'il ne voit pas. Et lorsque tu auras fini la période de viduité, adhinnini, tiens-moi au courant. Elle a dit, lorsque j'ai fini la période de viduité, je suis parti voir le prophète sallam et je lui ai informé que Muawiya ibn Abi Sufyan et Abu Jahm m'ont demandé en mariage. Le prophète sallam, il a alors dit, Abu Jahm, il ne dépose jamais le bâton de son épaule. Il a toujours un bâton sur l'épaule. On va expliquer ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par là. Muawiya, c'est une personne qui ne possède rien, il n'a pas d'argent. Épouse plutôt Usama ibn Zayd. Elle nous dit fakarihtu. Je n'ai pas voulu me marier avec Usama. On va expliquer pourquoi également elle n'a pas voulu se marier avec Usama. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété la même chose en lui disant inkihi Usama ibn Zayd. Marie-toi avec Usama ibn Zayd. Elle a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'au début elle a dit fakarihtu. Elle dit fanakartu. Donc je me suis marié avec Usama ibn Zayd. Faja'al Allahu fi khairan. Allah a mis du bien dans ce mariage. Les gens même m'ont envié. Les gens même m'ont envié de ce mariage. هذا الحديث يتحدث عن عدة المطلقة البائن بينونة كبرى. فرأينا في حديث عبد الله بن عمر أن المرأة أن المطلقة الرجعية التي يحل للرجل أو للرجل أن يراجعها أن يسترجعها إليه. Donc la semaine dernière, nous avions vu la période de viduité liée au divorce que l'on appelle Rajai. C'est-à-dire que Allah dans le Coran, il dit At-talaqu marratan. Donc le divorce, c'est deux fois. Fa'imsakun bima'rufin aw tasrihun bi'ihsan. Donc soit la personne, elle reprend son épouse, soit elle la laisse partir. Et on avait vu que donc la femme, pendant cette période de viduité, elle a le même statut que une épouse. L'homme, il doit l'entretenir, il doit la vêtir, elle doit rester au foyer. La tukhrijuhunna min buyutihin. Et là, aujourd'hui, on va voir, est-ce que c'est la même chose lorsque c'est le dernier divorce? Avec le hadith de Fatima bint Qais. إذن هي كانت زوجة لأبي عمرو ابن حفص فهو طلقها البتة بمعنى أن طلقها مرة ثم بعد فترة طلقها ثانية ثم وصل إلى التطليقة الثالثة هذا معنى البتة بتة طلاقي بمعنى يعني استفرغ ما لدي من التطليقات. Donc elle nous dit « Tallaqaha al-betta » c'est-à-dire qu'il a divorcé de manière définitive. Donc c'est la troisième fois qu'il a divorcé. Donc il a divorcé une première fois, il a sûrement reprise, ensuite à un autre moment une seconde fois, et ensuite à un autre moment, et ici on arrive à la troisième fois. هو لم يكن موجودا كان غائبا في روايتي أني أرسل إليها وكيل وكان في اليمن هو كان في اليمن وهي كانت في المدينة donc il n'était même pas présent, il a envoyé un messager donc pour l'informer son épouse qu'il l'avait répudié. ثم أعطته أعطاها يعني شيء يسير من الشعير وهي سخطته يعني سخطت غضبت لأنها أصلا يعني غير موجودة ثم يرسل إليها يعني شيئا يسيرا من الشعير فقال لها يعني ليس علي يعني نفقتي يعني طلقتك. Donc elle, il lui a envoyé en plus un peu d'orge. Et elle s'est mise en colère. Donc il n'est pas présent, en plus de cela, il m'envoie de l'orge. Et donc il lui a dit, je n'ai rien à te donner. ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنة لأن طلقك يعني طلاقا بائنا. Donc ensuite elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire voilà, il ne veut pas me donner d'argent. il ne veut plus m'entretenir. Et le prophète sallam lui dit, il dit, laisse la kinafaka. Tu n'as pas avoir, il n'a pu entretenir parce que il vous est répudié. Il n'a même pu à te faire habiter chez lui. إذن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنة أثناء العدة بخلاف الرجعية عندما يطلق الرجل زوجته للمرة الأولى ينفق عليها ويسكنها أسكنهن من حيث سكنتم ولا تخرجهن من بيوتهن. Donc la femme qui est répudiée pour la troisième fois, son mari n'a pas à l'entretenir ou bien lui donner de l'argent pendant la période de viduité. Et à plus forte raison, après la période de viduité. Et ni à lui trouver, ni à la faire habiter chez lui. Contrairement aux deux premières fois. Donc lorsque la personne répudie la femme pour la première fois, il doit l'entretenir et la faire habiter chez lui. Allah dit dans le Coran, Askinuhunna min haythu sakantum. Faites-les habiter où vous habitez. Et il dit, La tukhrijuhunna min buyutihin. Ne les faites pas sortir de leur demeure. Et il doit également la nourrir, la vêtir, etc. Comme si c'était une épouse. Sauf qu'il n'y a pas de rapport conjugaux entre les deux. S'il y a des rapports, elle est considérée comme reprise. ولكن إذا كانت المطلقة حاملا يعني وطلقها وهي حامل في هذه الحالة فإنه ينفق عليها حتى تضع بمعنى تلد لقول الله تبارك وتعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فهو ينفق عليها لا لأجلها لأجل الولد الذي في بطنها. Donc la femme qu'il répudie de cette manière, elle n'a pas de la femme qui répudie trois fois, il n'a pas de demeure ni d'argent. Donc il ne donne ni d'argent, ni ne la fait habiter. Sauf si elle est enceinte. Si elle est enceinte, à ce moment-là, il doit l'entretenir jusqu'à ce qu'elle mette l'enfant au monde. Car Allah dit dans le Coran, وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Dans surat al-Talaq, si elles sont enceintes, donc entretenez-les jusqu'à ce qu'elles mettent au monde ce qu'elles ont dans leur ventre. Mais pour la soukna, c'est le même statut que l'autre. Pour la soukna, il n'y a pas de soukna pour la femme. Al-idda wajibatun bil-kitab وبي السنة وبالإجماع. ففي الكتاب يقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال تعالى والذين يتوفون أزواجهن والذين يتوفون أن على كل حال أربعة أشهر وعشرة في المتوفى عنها زوجها. ومن الأحاديث فهي الأحاديث التي معنا في وجوب العدة وأجمع العلماء رحمهم الله على وجوب العدة. Donc la période de viduité est une obligation. La femme, lorsque son mari la répudie, ou bien on va voir également lorsque le mari décède, il y a une période de viduité à respecter. Donc ça, c'est cité dans le Coran, c'est cité dans la Sunna. Également, il n'y a pas de divergence chez les savants sur cela. Donc on va voir lorsque c'est après un divorce, c'est 3 menstrues. Lorsque le mari décède, c'est 4 mois et 10 jours. Et les savants donc sont unanimes sur cela. كذلك نستفيد من هذا الحديث جواز طلاق الغائب. فيجوز للإنسان أن يطلق زوجته وهو غائب. فيرسل رسولا مثلا. فيخبر المرأة بطلاقها. أو يرسل رسالة بالكتابة يطلقها فيها. لأن الكلام له يأخذ مقام الكتابة تأخذ مقام الكلام. Donc il est permis également à l'homme qui n'est pas présent de répudier sa femme. Donc en lui envoyant un messager qui l'informera de cela. Surtout s'il y a un besoin. Il ne faut pas que ce soit par any jouvenen. Khaufen. Lui, il n'était même pas dans le pays. Il était au Yémen et il lui a envoyé une personne pour l'informer qu'elle était répudiée. Il ne faut pas que ce soit de crainte d'affronter l'épouse là. Mais s'il y a un besoin, si la personne par exemple est absente dans un autre pays, ce n'est pas une condition pour répudier d'être présent, que les deux soient présents au même endroit. Ça peut se faire même par un message téléphonique, par un message écrit, tout cela c'est considéré comme divorce. ثم أن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم شريك. أم شريك كانت امرأة فاضلة صالحة، فكان الناس يزورونها كثيرا، يترددون عليها لأجل صلاحها، يستفيدون منها. رجالا ونساء. ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم إرشاده، قال اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، لأن أناس كثير أن يترددون على أم شريك. فيجب على المرأة أن تكون حارصة على الاستتار والابتعاد عن الرجال الأجانب. فلأجل هذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a demandé de faire sa période de viduité au début chez Umm Sharik. Umm Sharik qui est donc dont le nom est Razia ou bien Razila était une femme pieuse. Et donc les gens lui rendaient souvent visite. Ils lui rendaient souvent visite, les hommes comme les femmes. Et c'est pour ça que le prophète sallam au début, après il a changé d'avis en lui disant de faire sa période de viduité chez Ibn Ummi Maktoum. Car il n'y aurait pas autant de monde qui vient. Donc il faut que la femme donc s'éloigne des endroits où il y a des hommes étrangers à elle. Donc c'est pour ça qu'il lui a conseillé donc d'aller chez Ibn Ummi Maktoum et pas chez Umm Sharik du fait que beaucoup de gens lui rendent visite. Ou Ibn Ummi Maktoum. Hiya sataskunu 'indahu wa huwa rajulun a'ma. أمر الله تبارك وتعالى الرجال بغض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأمر كذلك النساء بغض البصر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولكن هل حكم نظر المرأة إلى وجه الرجل كحكم نظر الرجل إلى وجه المرأة نفس الحكم ويختلف يختلف من العلماء من قال أن الحكم سواء منهم الإمام النووي رحمه الله ولكن الصحيح أنه يختلف. ولهذا هذا يعني أمرت المرأة بالحجاب ولم يؤمر الرجل بالحجاب. ولهذا يقول جمهور العلماء أن نظر المرأة إلى الرجل تمنع عند الفتنة إن كانت هي تفتتن بالنظر إلى هذا الرجل فإنها تمنع وإلا جاز. ولهذا ثبت في الصحيحين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد. يعني أناس من الحبشة يلعبون في المسجد برماحهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. هي كانت تنظر إليهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسترها, ماشي يسترها حتى لا تنظر, لا يسترها حتى لا يراه الناس. Donc elle va faire sa période de viduité chez Ibn Umm Maktoum qui est donc le deuxième muezzin du prophète صلى الله عليه وسلم après Bilal ibn Rabah. Et donc c'était un homme aveugle. Donc elle se rend chez lui pour dans trois monstres. Lui donc il est aveugle, il ne la voit pas. Mais elle le voit. Donc quel est le statut pour la femme de regarder l'homme? Est-ce que c'est le même statut pour l'homme lorsqu'il regarde la femme? Regarder l'homme pour regarder la femme, c'est muharram, sans divergence. Mais est-ce que c'est la même chose pour la femme lorsqu'elle regarde un homme? Mais certains savants qui disent c'est la même chose, le même statut. Parmi eux, l'imam Nawawi rahimahullah. Mais la majorité des savants, ils disent que il est permis à la femme de regarder l'homme à condition qu'il n'y ait pas de fitna, de tentation. S'il y a une tentation à ce moment-là, il lui est interdit de faire cela. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été ordonné à la femme de porter le hijab et non à l'homme. Si c'était le même statut, l'homme également, il lui aurait été demandé de mettre le hijab afin que les femmes ne le regardent pas. Également, dans les deux sahih, Aïcha radiallahu anha, elle nous dit que un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la porte de sa maison. Et à l'intérieur de la mosquée, il y avait l'Habasha, les hommes, les Éthiopiens. Des hommes éthiopiens qui jouaient avec leur lance. Ils faisaient tourner leur lance dans la mosquée. Et Aïcha radiallahu anha, elle regardait ces gens en train de jouer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yasturuha birida. Il la recouvrait d'un rida. Il ne la recouvrait pas pour pas qu'elle regarde. Non, il la recouvrait pas pour pas que les gens la voient. D'accord? Donc, la femme, il lui est permis donc de regarder l'homme à condition qu'il n'y ait pas de fitna. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam عندما انتهت من عدتها يعني جاءته هذه المرأة فاطمة بنت قيس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإذا حللت فآذينني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد, لعله قال بعض الشراح يريد أن تزوجها, يريد أن يتزوجها, ولكن سبقه أبو جهم ومعاوية يعني خطب هذه المرأة. Donc après la période de viduité, elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer que donc elle a fini. لأن la période de viduité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas savoir quand elle aura fini. لأن ثلاث قروء, c'est trois monstres. Chaque femme a sa menstrue à des moments différents. Donc il lui a dit, quand tu as fini la période de vérité, adhinini. Certains savants disent que il a voulu l'épouser, sallallahu alayhi wa sallam. Mais en attendant, tout de suite après, Muawiyah ibn Abi Sufyan et Abu Jahm sont partis la demander en mariage. Regardez l'époque des compagnons, radiallahu anhu. Yani il est répudié, et tout de suite il y a deux hommes qui viennent la demander en mariage. Et si elle est répudiée, c'est fini à notre époque. Donc les deux sont venus la demander en mariage. Et elle a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Amma Abu Jahm, farajulu la yada'u asahu an atiqihi. » Et l'atiq, c'est le katif. كأنه دائما عنده عصا على كتفه هي كناية عن الضرب للنساء كان كثير الضرب للنساء فحذرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكحه وأما معاوية ابن أبي سفيان فرجل صعلوك يعني فقير لا مال له ثم ستتغير أحواله سيصبح أمير المؤمنين. Donc, Abu Jahm et Muawiyah l'ont demandé en mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quant à Abu Jahm, c'est un homme qui ne pose jamais, qui a toujours un bâton sur son épaule. Qui a toujours un bâton sur son épaule. C'est-à-dire, c'est un homme qui frappe ses épouses. C'est un homme qui frappe ses épouses. Et dans une autre version du hadith, Rajulun darrabun linnisa. Darrab. C'est-à-dire qu'il frappe beaucoup ses épouses. Donc le prophète, c'est comme s'il la met en garde de d'épouser cet homme. Et Muawiyah, c'est un homme pauvre, sourlouk, il n'a pas d'argent. Inkihi Usamata ibn Zayd. Inkihi Usama ibn Zayd. Il dit, marie-toi plutôt avec Usama ibn Zayd. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ذكر معاوية وأبا جهم بما فيهما من العيوب ولم يعد ذلك غيبة لهما. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه أتدرون من الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال وذكرك أخاك بما يكره ذكرك أخاك بما يكره. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أرأيت إن كان فيهما نقول قال إن كان فيهما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيهما تقول فقد بهته. Donc le prophète sallam il a cité certains défauts de ces deux hommes, Abu Jahm et Muawiyah. Et cela n'est pas considéré comme de la médisance. Cela n'est pas considéré comme de la médisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à ses compagnons, savez-vous ce que c'est le riba, la médisance? Ils lui ont dit, Allah et son messager savent mieux. Il a dit, c'est le fait de citer de ton frère ce qu'il déteste. Tu cites de ton frère ce qu'il déteste. Les compagnons ont dit, mais si cette chose que nous avons citée est vraiment en lui, c'est-à-dire si je dis par exemple qu'il est radin, si je dis qu'il est qu'il est méchant, si je dis de lui qu'il est dépensier, si je dis de lui qu'il perd son argent, qu'il perd du temps, etc. Si je cite une chose qui est présente en lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si cette chose est présente en lui, c'est ça la médisance. Faqad irtabta. Et si tu dis une chose qui n'est pas en lui, faqad bahatta, à ce moment-là, c'est pire encore. C'est un mensonge. Donc, comment comprendre ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'homme, Abu Jahm, il déteste peut-être qu'on dise de lui qu'Anaou yadribun nisa. Muawiyah également, il n'aime pas qu'on dise de lui Anaou rajulun sa'louk. Ça, c'est un conseil. Non. L'ulama, rahimahumullah, istathnaou min al-ghibati sittata ahwal. جمعها بعضهم في قوله القدح، والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. Donc on dit القدح, c'est-à-dire le fait de parler en mal. ليس بغيبة, ce n'est pas de la médisance dans six cas. في ستة متظلم, متظلم c'est celui qui a subi une injustice. Il a subi une injustice, il se rend chez le juge pour dire un tel, il m'a fait telle ou telle chose, telle ou telle chose. متظلم. Allah dit dans le Coran, لا يحب الله جهر بالسوء إلا من ظلم. Allah n'aime pas que l'on parle en mal, sauf lorsqu'on a subi une injustice. ومعرفين. معرفين, c'est lorsque l'on cite un défaut d'une personne pour le décrire. Pour le décrire. Par exemple, moi je te dis, il y a Mohamed qui t'a rendu visite. Tu me dis, qui est Mohamed? Je te dis, celui qui est grand, etc. Je vois pas c'est qui. Jusqu'à ce que je te dise, par exemple, celui qui boite. Par exemple. Ni Arash. Lui, il déteste qu'on cite cela en lutte de lui, mais c'est pour le reconnaître. C'est pour ça que vous trouverez que من العلماء من سمي بالأعرج من سمي بالأعمش من سمي بالأحول من سمي بالأصم. C'est des choses qui étaient présentes en eux. Il y en a parmi les muhaddithines, on les a appelés l'A'mash. L'A'mash, c'est celui qui a dans ses yeux la conjonctivite. Toujours ses yeux, il a des choses. L'A'raj, c'est celui qui boite. L'A'hwal, c'est celui qui louche. L'asam, c'est le sourd. Et cela n'a pas été considéré comme de la médisance. Idhan mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhiri. Également lorsqu'on veut mettre en garde. Comme dans ce hadith. Si moi je veux te mettre en garde contre quelqu'un, je fais attention à un tel, ce n'est pas une bonne personne. Il fait telle ou telle chose. Et je te cite certaines choses. Fais attention à un tel, par exemple, c'est une personne qui consomme de la drogue. Fais attention à un tel, c'est une personne qui, comme ici, il frappe les femmes, c'est une personne qui fait telle ou telle chose. Donc, lors d'une mise en garde, il n'y a pas de mal à citer ce que fait cette personne. Lorsqu'on veut justement éviter un mal aux gens. Donc, متظلمين ومعرفين ومحذرين. Et c'est également pour cela également que les savants, à travers les siècles, les savants du hadith, ils ont parlé sur les narrateurs, en disant lui il est faible. Ada kazzab, ada daif al-hifz. Donc c'est pour ça qu'ils ont parlé sur les narrateurs en disant un tel il est fiable, un tel il n'est pas fiable, un tel c'est un menteur, un tel. Afin justement de mettre en garde les gens pour qu'ils ne prennent pas de leur récit. Thumma wali muzhirin fisqan. C'est-à-dire celui qui commet des péchés devant tout le monde. Une personne qui boit de l'alcool dans les rues. Tout le monde sait qu'il boit de l'alcool. Donc si moi je te dis un tel, celui qui boit de l'alcool là, ce n'est pas considéré comme de la médisance. Wali mustaftin waman, al mustafti. J'ai besoin d'une fatwa. Il m'est arrivé quelque chose, j'ai subi. Il m'est arrivé quelque chose d'injuste, par exemple, je vais voir un savant qui va me faire une fatwa. Je dis, par exemple, pareil, lorsque les femmes, elles appellent un alim, elle dit, mon mari, il a fait telle ou telle chose. Elle veut une fatwa. Donc, elle cite ces choses-là et ce n'est pas considéré comme une de la médisance. وَمَنْ طَلَبَ الْإِعَانَةِ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرِ. Également pour celui qui demande de l'aide pour faire disparaître un mal. Par exemple, j'ai mon voisin qui commet des choses blâmables. D'accord ? Mais moi, je ne suis pas dans la capacité de lui parler afin ou de le conseiller. Mais je connais son frère. Je connais son frère. Qu'est-ce que je fais ? Je vais voir son frère et je lui dit ce qu'il fait son frère, afin qu'il aille le voir pour qu'il cesse ces choses-là. Al-i'ana ala izalati al-munkar. Donc le fait de demander de l'aide auprès de quelqu'un afin de faire disparaître cette chose blâmable. Idhan, wal-qadhu laysa bi-ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhirin wa limudhhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Donc ces six choses sortent de la médisance. جاء في حديث عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها هتكت ما بينها وبين الله هتكت ما بينها وبين الله. Donc il est cité dans un hadith dans Sunan Abi Dawud et autres que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: toute femme qui poserait, qui enlèverait ses vêtements, qui se dénuderait en dehors de chez elle, c'est comme si elle avait brisé le voile qu'il y a entre elle et Allah. طيب الان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة بنت قيس يا تدي عند ابن مكتوم تضعي ثيابك. Donc il lui a dit: va faire ta période de viduité chez Ibn Umi Maktoum, et c'est un homme aveugle, tu pourras t'enlever tes vêtements. C'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre le hadith, le premier hadith. C'est pour ça que les savants, ils ne prennent pas le deuxième hadith dans son sens littéral, en disant toute femme qui se déshabille en dehors de chez elle, c'est la femme qui se déshabille en dehors de chez elle, imma les zina, qala ba'd ulama hatta tazni, wa qala ba'd ulama al-akharun tad'u thiyabaha fi ghayri baytiha li ghayri haja, sans réel besoin. Elle se déshabille en dehors de chez elle mais sans réel besoin. Wa illa la kant hunaka haja fa huwa ja'iz bi dalil yani hadith Fatima bint Qais. Donc il faut comprendre le premier hadith. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: toute femme qui se déshabille en dehors de chez elle, c'est comme si elle avait brisé donc le voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne prend ce hadith au sens littéraire. Certains savants ont dit: c'est celle qui enlève ses vêtements en dehors de chez elle pour forniquer. Pour forniquer. Ou qui se déshabille en dehors de chez elle sans besoin. Min ghayri haja. Car sinon, c'est impossible que le prophète sallam dise cela, et en même temps il dit à Fatima bint Qais: tad'i thiyabak, tu pourras retirer tes vêtements chez Ibn Ummi Maktoum. D'accord? Donc il faut bien comprendre ce hadith. Parce que si on prend un seul hadith, on peut tomber dans une gêne énorme. Tayyib Radan, une femme rentre à l'hôpital. Là, on lui dit: reste habillé. Ayyu mamra'atin. Là, il faut comprendre ce hadith en réunissant tous les hadiths afin de comprendre le vrai sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كذلك إذا شوّر الإنسان فعليه أن ينصح بما يراه الأصوب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان بالإمكان أن يتركها أن تتزوج بمعاوية وبأبي جهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ذلك لا كأنها تشاور النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط الإخبار، تريد أن تعرف رأي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن. ف كأنه يحمل معه أمانة، فعليه أن يصدق في كلامه. Donc également celui qui est consulté, il faut qu'il conseille de la meilleure des manières. Donc lorsqu'elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que Muawiya et Abu Jahm l'ont demandé en mariage, ce n'est pas seulement pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour connaître son avis sur la chose. Est-ce que c'est bien que je me marie avec un des deux ou pas? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a alors conseillé de ce qu'il pensait être la meilleure chose pour elle. Il aurait pu lui dire, marie-toi avec l'un des deux. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que Abu Jahl, il frappe les femmes. Il sait également que Muawiya radiallahu anhu est une personne sans argent. Et il lui a conseillé de se marier avec Usama ibn Zayd. Donc la personne qui est consultée, il faut absolument qu'il réponde de la meilleure des manières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-Mustashar Mu'taman » Celui qui est consulté, il est Mu'taman, c'est-à-dire il porte avec lui une amana. Il porte avec lui une amana et donc il faut qu'il donne de cette amana de la meilleure des manières. نستفيد من هذا أنه لا بأس للولي أن يمنع موليته من الزواج بمن يخشى أن يضرها فمثلا إذا خطب رجل فقير لا مال له يجوز للولي أن يرفض هذا الخاطب خوفا أن لا يستطيع أن يقوم بواجبات الزواج وأن تتضرر هذه المولية يعني ابنته في الغالب أو رجل يضرب النساء يخطب أو يخطب يعني موليتك جاز لك أن ترفضه. Donc il est permis également au tuteur de la femme de refuser une personne qui viendrait demander la main de la fille, par exemple, ou autre, si on craint que ce mariage sera néfaste, ou bien que sera un mal pour la fille. Donc c'est ça le rôle justement du tuteur. C'est ça le rôle du tuteur. Donc par exemple, Muawiya, lorsqu'il est venu, il n'a pas d'argent. Et Abu Jahl, il frappe les femmes. Donc il est permis au tuteur, si une personne semblable vient demander la main, de refuser. De refuser, car la personne qui n'a pas d'argent, il se peut qu'il ne soit pas capable d'assumer les obligations du mariage. C'est-à-dire, le mariage, il faut entretenir la femme, la nourrir, la vêtir, la faire habiter quelque part. Donc c'est la personne qui n'a pas d'argent, il est permis au tuteur donc de refuser. Il est permis de refuser. Pareil si un homme est violent avec les femmes, connu pour cela, il est permis au tuteur de refuser. Donc tout ça pour protéger sa fille, ou bien celle qui est sous son autorité. كذلك نستفيد من هذا الحديث أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها خير فهي كرهت أن تتزوج بأسامة بن زيد. يقول الإمام النووي رحمه الله كرهت أن تتزوجه لأنه مولى من الموالي عبدا وعبد. وقال الإمام النووي أنه كان أسود وهي كانت عربية فكرهت أن تنكحه. أسامة بن زيد. إيه ماله؟ إيه هو هذا. كي était زيد بن حارثة. كي était le fils du prophète صلى الله عليه وسلم. L'enfant adoptif du prophète صلى الله عليه وسلم. Son fils était esclave. Là, esclave. زيد était esclave, son fils. Eh, l'esclavage, ça s'hérite. Le père qui est esclave, son enfant sera esclave. Malgré qu'il n'est plus esclave, il n'est pas esclave. Lèche. Oussem. Eh, si ton père est esclave, tu es esclave. Ah, ça s'hérite. Ça s'hérite. Au départ, l'esclavage, c'est en général lorsqu'il y a une guerre entre les tribus ou les musulmans. Et les... Après, il y a des prisonniers de guerre. C'est eux qui deviennent aptes. Après, il se peut qu'ils deviennent musulmans, mais ils restent esclaves jusqu'à ce qu'ils se fassent affranchir. Tant qu'il n'y a pas eu d'affranchissement, il n'y a pas aptes. Donc, elle n'a pas voulu se marier avec Oussama. Donc, Donc on peut tirer de ce hadith que donc l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est que du bien. L'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est que du bien. Donc elle a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré qu'elle ne voulait pas se marier avec Usama. Et l'imam Nawawi rahimahullah, il a essayé de comprendre pourquoi Karihat, pourquoi n'a-t-elle pas voulu se marier avec Usama. Il nous dit car Usama était esclave. Usama, fils de Zayd ibn Haritha, qui était le domestique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle ne voulait pas se marier avec un esclave. Mais esclave, il faut comprendre, c'est pas comme on s'imagine. Dans les films, les chaînes, etc. Non, c'est pas ça du tout. C'est comme un domestique. C'est comme un domestique, mais il a certaines caractéristiques. Par exemple, il n'a pas d'argent. Tout son argent appartient à son maître. Mais ce n'est pas ce qu'on s'imagine. Les chaînes, les gens qui se font fouetter là. L'islam, au contraire, il y a des hadiths incitant justement le maître à bien se comporter avec son esclave. Mais c'est un statut qu'il a. Il est esclave, c'est comme ça, jusqu'à ce qu'il se fasse affranchir. Donc, et le même Nawawi nous dit, car il était moulin, min al-mawali, et en plus de cela, il nous dit, le même Nawawi, qu'elle c'était une personne noire, alors qu'elle, elle était arabe. Donc, elle n'a pas voulu se marier avec lui. Mais malgré cela, du fait que c'était le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle a su que tout le bien résidait dans le fait de suivre les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est mariée avec Usama. Donc regardez la confiance. Elle a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait lui conseiller une chose néfaste. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'interdit de me marier avec Muawiyah, qui va devenir Amir al-Mu'minin, s'il m'interdit de me marier avec Abu Jahl, mais qu'il me conseille de me marier avec Usama, c'est forcément que le bien réside dans ce mariage. Donc le musulman, c'est ainsi qu'il faut qu'il raisonne. Quand tu vois un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'incite à faire telle ou telle chose, sache qu'il n'y a que du bien dans cela. Même si toi, tu peux avoir au départ un peu d'aversion pour cette chose-là. Allah dit dans le Coran, « Asa an takrahu shay'an » Il se peut que tu détestes une chose alors qu'en réalité cette même chose est un bien pour toi. Et Allah dit ensuite, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah c'est lui qui sait et vous ne savez pas. Donc elle s'est mariée avec Usama ibn Zayd et elle dit ensuite, Faja'al Allahu fihi khayran. Allah il a mis dans ce mariage du bien. Wartabattu. C'est-à-dire, les gens m'ont même envié de mon mariage avec Usama ibn Zayd. لعلنا نكتفي بهذا لأن الحديث الذي بعده طويل شيئا ما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.